haine elle est partout, le tchécard c'est Varsovie. Cousin paye ta pute, les poches des crevards se vident. Dans le rap on y croyait, on se disait on triomphera. On subit les coups de pute et quand tu fais le triomphe frappe. Destin tragique comme Clamsé à la Coïne Macrae. À force d'envier les gens, devenir une alcoolique maquerelle. Souvent la tête haute mais on se courbe comme la lordose. Le rap c'est petit comme les grammes qu'agit leur dose. La poisse c'est des droites et nous on part au kissis. Les jeunes sont plus à l'aise derrière, allez par au kissis. Je voulais m'évader pour aller jusqu'en chorégraphie. Mais la rage fumait pas, c'est pas une chorégraphie. Dévoiler mes torts, on juste alourdit mes causes. Mais je reste sur la défensive, à la Jiméco. Rap artisanal, du 9-3 pour les Rennais. Entre drogue et bitume, me dis pas que les Rennettes. A chaque fois qu'un des nôtres meurt, il pleut sur ma ville. J'avais juré de jamais répleu sur ma vie. Mais les larmes coulent pour ceux victimes de mort non naturelle. Crois pas pourtant qu'on va vivre comme des mormons là, tu rêves. On prend des risques car sans ça la vie serait rédhibitoire. T'as pas de limite mais tu vas finir comme Odibi toi. Les fautes s'effacent pas au T-Pex, rime anti, peine de mort pour T-Pet. Les petits pètent le score comme T-Pay. Le destin de Bouna fut pire suite Coluche ou les Didi. Dans mes rimes y'a de la mer, tu me comme dans les couplets Didier. A l'époque avec Noah, on était déjà acolytes. Les destins tragiques je chante comme Dickon Jaffa Coli. Pour les vies écourtées, que les ténèbres enlacent. Pour pouvoir dire c'est le mec tout faut une fois inébranlable. De l'avenir j'ai peur comme Bouchou quand Al-Qaïda s'amène. Tu contrôles pas ta destinée, ouais comme Kaina Samet. Hip hop follows me everywhere. I wish I could write rhymes just like I breathe in air. Polluted lyrics make me sick. We like different types of alcohol we don't mix. Commercial rap I can't stand. I could rap bling MC so hard I get a sore hand. They make up run faster than a Ford van. They take their time man. I'm here to catch up, get fresh rap to board fans. Sparred by old roots of blotting seeds, spreading them in all lands. Don't say it. Rap these days is like a pain in the neck. All for the cash, they're in it for the check. They vanish in a flash, you forget them in a sec. A shame for the rest who try their best to give it proper interest. That's why I shout out loud and manifest. Fake MCs, do you wanna test? Me, I request that you stop this mess. When I'm pissed off, I hear spark in my head. I speak rhymes like my mouth's on fire. You could tell in my eyes that what I say in my lines, they're not lies. You can inquire, like who crashed the planes or who are the ones bringing in the crack cocaine. The most honest MC I remain. I reveal my pain with my pen. It's not about being a fame. Showing off your big car and golden chain. It requires a lot of work, so listen and use your brain. Listen and use your brain. Est-ce que tu sens les enceintes pètes avec mon rap artisanal? Y'a pas de contrat ni de label. Crois pas que ce genre de type amasse des sous dans la caisse. Au mieux c'est pour investir. J'ai souvent de la peine car mon équipe reste au vestiaire. Prends juste un certain kiff à faire du son pour résumer. Stylé comme le sirtaki, le rap un joint donc fait fumer. Si t'écoutes ça dis-toi, c'est le fruit d'un travail sans relâche. Y'a rien de contradictoire, c'est musical et sans menace. Aucun public m'annonce, mélodie je lui fais ses noces. Lié à cœur au mic au son, au fax c'est des fessées j'donne. J'peux pas accepter que j'dorme, rends-toi s'il y a du pèse à prendre. Sois attentif, reste à l'écoute. De ses arvents, pas la peine de nous envier. C'est la motive qui récompense. Personne est venu nous chercher. Et le destin, j'aimerais qu'on le pousse. Le premier pas, voilà, ça c'est fait, j'en suis fier. Et si ça plaît pas, je m'en fous que les gens s'y mettent. Je veux être rappeur à long terme avec un style à l'ancienne. C'est la passion qui m'entraîne, je m'en fous de passer à l'antenne. Pas de maison de skate ni de producteur, c'est du rap artisanal. Moins de range ta banane, y'a rien qui rentre dans nos artisanales. On n'est pas des pyjamas, on n'a pas des piges, t'as mal compris le concept. Moi, c'est le kiff qui fait que j'écris pas mal. Je m'agrippe pas ma plume, on n'est pas un groupe banal dans ce milieu. On assure. Pas comme la maf ou groupe ama. On est des gars simples, pas sains. Loin d'être fan d'Oussama. On nous dit d'aller doucement, mais derrière nous ça pousse un max. Noir s'il faut, SMSK. On trouve la rime même si elle se cache. On ouvre le pack de HK. On sort le bout de HK. 2008, on a les armes et lance l'assaut. Pas là pour se pavaner comme des vieux en talasso. J'suis pas lassé de balancer des rimes calées bien pensées. J'suis pas là pour casser l'élan du mec qui allait bien se lancer. Y'a de la petite arma comme ça chez nous. Rap artisanal qui s'achemine parce que vivre c'est un cadeau. J'ai arraché le nœud, l'envie d'écrire. J'ai des cadeaux sur une feuille dans ses lamines. 8 ans après, je suis encore là à chercher ma route, penché sur ma page, à chercher ma rime. SMK, c'est 4 lettres. Je vois que la scar marronne. On vit notre sac et tous pareil. Quand on regarde l'autre, entre un placard, un matelas, l'audio technica, en scène produit, paye une tascam. Lyrics implacable, rituel l'ami, fais ça, je le scanne. Parce que ce projet, notre premier pas, je veux mieux que l'équipe enclenche le second. Sorti nulle part, ça c'est le slogan. Format A4, puis la 3ème. Que d'authentique dans notre sillon. On est dans le rap comme en croisière, volant de hip hop, c'est le cœur qui poustillonne. Nos écorchures, un coup de crayon. Un coup de crayon. Avant que mes nerfs finissent par sombrer, encore une ère qui s'assombrit. Faudrait voir plus loin que son nombril, à vouloir sortir de l'ombre jusque que ça brille. On est nombreux à partir en vrille. Les les interdits en gris, vu qu'il n'y a pas de soutien pour nos frères. Pas sûr qu'on tienne, on joue avec le feu, c'est l'incandescence des novices. L'intolérance, c'est qu'on cherche encore un sens à notre vie. L'intro, je le lance, et mes pensées deviennent nocives. Je voudrais tourner la page, mais faudrait déjà que j'en noircisse. On avance tant que c'est possible, dans un monde matérialiste. Trop de personnes narcissent, nous on assiste tant qu'on a rien sous la scisique. Aucun disque en mastering, joue pas la star sur le ring. Juste un dit qu'on martyrise, un seul verdict. Faut que ma team se hisse vers le haut tant qu'on n'a pas le vertige. Vu que la chance se fait futile, des vers se tissent, t'advertis. C'est du futé aux rimes fertiles. On tente de percer, mais le couteau faut l'affûter. Vu que tout s'effrite comme de l'argile, moi je reste agile et mon argile. C'est pas bas comme en temps de monarchie. Et crois pas que la monnaie chine. L'avenir, on s'en inquiète, soit flouté. La merde et moi, on fait que flirter. La rue, un passage clouté. J'en acquiers ce que je peux, j'ai pas le présage complet. Après le présage, écoutez, on se repose pas sur nos acquis. Un bras de nostalgie, les photos du passé, trop de photos trépassées. Tout ça nous froisse. C'est pas de planche à repasser. Rap artisanal, c'est la plus belle entreprise de France. Entreprise de son et prise de conscience. Juste envie d'écrire pour quitter ce sol. Échapper au monde, à ces prisons cérébrales. Rap artisanal, c'est en usant ses grolles qu'on trouve le Saint Graal. Pour ce premier pas, que tous nous adultes, c'est pas le problème. On reste pro même, si on est amateur. À notre tour d'avoir une solide armature. Utilise la plume quand l'homme brandit l'armateur. Pour écrire, ça fait un bail qu'on se sent mature. Qu'est-ce tu veux ça attire? Je dirais même que c'est le moteur sur la feuille. Après six mots tueur, mais aussi le repentir. Dans mes rêves, je nous vois poser ce texte dans l'Europe entière. Que les faux ravalent leur mondanité comme Maurice Ravel. Rap artisanal, c'est les moyens du bord. La mentalité, l'amant qui l'osait. Va pas croire qu'on enquiloseille. On rap juste et ça avant le penser qu'il osait. On fait dans l'authentique, appelle ça rap artisanal. Tellement de projets, si peu de fric que mon âme d'artiste a mal. Ça gratte, à gauche, à droite, les connectiques. Ça craque, les logiciels, des fois ça bug. Alors les collègues flippent, mais fournissent les forts. Les motifs en guise de carburant, font gonfler les scores. Et les jaloux, les traites de Gabriel. Nos mines font des cabrioles, nos rimes sont des carillons. Notre trou est garéant, double filet pour être carréon. Daf, ils s'immiscent dans le rap en tant qu'artisan. Mais si ça prend 10 ans, j'espère ne pas finir en tant qu'artisan. 10 ans, qu'il a gâché son temps et sa vie. Qu'il a pris dans son talent avec ça. Et sa fille. J'espère aussi ne pas finir à la merci de Laurent Bruno. Quiconque qui décide de te faire passer de l'or au Bruno. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sans oublier qui on est. Mélanger le bise avec notre art, c'est couper son whisky au lait.